beauté de la musique liturgique orthodoxe, la sagesse des saints-pères de l'Église, l'art de la prière incessante, l'actualité de la sainte tradition chrétienne. Venez les retrouver dans l'Église orthodoxe aujourd'hui, chaque dimanche à 17h. Une émission réalisée sous la bénédiction de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France et proposée par Bogdan Florent Vlaïkou. L'Église orthodoxe, aujourd'hui. Bienvenue et bon fête de Rameau à vous tous ceux qui nous rejoignez sur les ondes de Radio Notre-Dame. Aujourd'hui, nous tous, chrétiens orthodoxes et catholiques, nous avons célébré le dimanche de Rameau, dont la date nous est commune cette année, comme d'ailleurs la date de Pâques. Ainsi, nous avons accueilli dans nos églises, avec des rameaux et des fleurs à la main, l'entrée de notre Seigneur Jésus-Christ à Jérusalem. Ensuite, nous avons amené des rameaux bénis à la maison, et on les a déposés à notre coin de prière, à côté de l'icône. C'est une coutume ancienne, commune aux catholiques et aux orthodoxes, qui rappelle aussi le fait que la fête célébrée à l'église continue à la maison autour de la table. Nous continuons donc de fêter les rameaux en direct avec vous, chers auditeurs, autour de cette table ronde du studio de Radio Notre-Dame. Par la même occasion, nous célébrons aujourd'hui En ce début d'avril, le 6e anniversaire de cette émission, l'Église orthodoxe aujourd'hui. Je vous invite à participer à une émission faite spéciale en direct que je réalise ensemble avec mon collègue et ami Pierre Morachini. Bon fête de Rameau, Pierre. Bonjour. Il y a 2 semaines, dans ton émission Matière à penser, que tu réalises tous les samedis à 11h sur notre antenne, nous avons animé ensemble un entretien en direct avec nos invités, à travers lesquels nous avons suivi en parallèle la tradition liturgique du Grand Carême dans l'Église orthodoxe et catholique. À cette occasion, la richesse apportée par ce dialogue œcuménique spirituel nous a impressionnés tous. C'est pour cela que je t'ai proposé de revivre cette expérience dans mon émission avec les mêmes invités et en nous entretenant sur la tradition liturgique de tous ces événements de l'histoire du salut que nous fêtons ensemble, catholiques et orthodoxes, à partir d'aujourd'hui et jusqu'au dimanche de Saint-Pâques. Je te remercie de me retourner la visite et je te laisse présenter notre premier invité. Alors, on a de fait exactement les mêmes invités qu'il y a 15 jours et nous avons la joie d'accueillir le père Philippe Rouillard. Philippe Rouillard, ça n'a pas changé depuis 15 jours, vous êtes toujours moine bénédictin. Donc, vous avez passé de longues années au monastère Saint-Anselme, au collège Saint-Anselme, sur l'Aventin à Rome. Et aujourd'hui, vous êtes à l'abbaye de la Source, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages. Pendant ces 15 jours, j'en ai découvert de plus anciens. J'ai découvert, par exemple, que vous étiez un spécialiste de Jean 23, que vous avez édité dans les années 60 des textes, des lettres du bienheureux Jean, de celui qui est aujourd'hui le bienheureux Jean 23. Ça, c'est exact. Nous avons traduit le journal de l'âme de Jean 23 et ensuite les lettres de Jean 23. Voilà. Alors, plus en rapport avec notre thème, celui d'aujourd'hui, eh bien, il y a les fêtes chrétiennes en Occident. C'est un ouvrage extrêmement précieux, un ouvrage grand public publié aux éditions du CERF, dans la maison CERF Histoire, et qui, justement, pour beaucoup de catholiques qui connaissent pas bien leur tradition liturgique, les fêtes qu'ils célèbrent, est une excellente un excellent aide pour travailler davantage ces questions. Je tiens aussi une histoire de la du sacrement de pénitence, et je pense que ça peut être important en particulier pendant cette semaine sainte de pratiquer ce sacrement. Voilà pour notre père Philippe Rouillard. Alors père archiprêtre Marc-Antoine Costa de Beauregard, bonne fête de Rameau. Bonne fête. Vous êtes agrégé de lettres et professeur de français dans un lycée de la région parisienne. Oui. Vous êtes également doyen des paroisses de la métropole orthodoxe roumaine en France, oui, et recteur de la paroisse francophone Saint-Germain et Saint-Cloud à Louveciennes. Voilà, voilà. Vous avez publié plusieurs livres en France comme en Roumanie. Je vais citer seulement « Ose comprendre que je t'aime », un livre de dialogue avec le... un des très grands théologiens orthodoxes du XXe siècle, l'académicien roumain Père Dumitru Stăniloae. Donc, vous êtes français, vous provenez d'une famille ancienne, mais vous avez découvert donc cet univers de la spiritualité roumaine. Vous avez appris même le roumain pour par amour de l'orthodoxie, on pourra oui, dire. Un peu, oui. Ouais. Donc, pas couramment quand même. Vous êtes oui, très bien placé pour cette mise en parallèle entre les deux traditions que nous allons essayer de faire aujourd'hui. J'invite tous ceux qui veulent participer à notre entretien festif à nous joindre à cette fête au numéro de téléphone 01 56 56 44 45. Je répète, 01 56 56 44 45. Julia Vidović, notre amie théologienne serbe, va répondre à vos appels. Vous pouvez également nous adresser vos questions en écrivant à l'adresse électronique de l'émission ortradio@free.fr. Je répète, ortradio@free.fr. Voilà, je veux dire, selon la tradition roumaine, à l'occasion de la fête des rameaux, qui est appelée le dimanche des fleurs ou Flori, sont fêtés aussi tous ceux qui s'appellent Florian, Florin, ah, Florina. Ah, c'est votre fête, alors. Qui portent le nom des fleurs. C'est pour cela que je me suis, ça c'est un plaisir pour moi que j'amène la bouteille pour fêter aujourd'hui cette fête et cet anniversaire aussi. Donc j'ai trouvé un grand vin de Bordeaux de 2001 qui a l'âge de notre émission. Bon. Donc l'émission. Il faut que tu débouches en faisant le bruit du bouchon parce qu'on n'a pas entendu. Je vous invite à goûter un peu de vin. Malheureusement, on ne peut pas partager ça avec les auditeurs. Il devrait y avoir davantage d'émissions de ce genre. J'ai fait un peu de bruit qu'on entend que c'est... Donc, le niveau technique de notre radio ne permet pas encore de partager aussi le vin avec les auditeurs. Parce qu'on a entendu le vin qui coule. Hein. Mais on va davantage partager... Cela dit, on pourrait en offrir à la demoiselle qui réalise l'émission oui, de côté romane. Hein, après l'émission, on va continuer la fête davantage. Voilà. Voilà. Ça, c'est seulement au début. Bon, on va boire à ta santé, déjà, quand on entend craquer la radio. Et puis à cette fête commune que nous partageons cette semaine. Et donc à l'anniversaire de l'émission, c'est ça ? Anniversaire de 6 ans d'existence de l'émission. Il y a donc beaucoup d'occasions de boire, en fait. Donc c'était le 7 avril 2001 que j'ai eu l'occasion de créer cette émission sur Radio Anguin. Et c'est seulement en 2004 que l'émission, depuis autant 2004, que l'émission passe aussi sur Radio Notre-Dame. Donc elle est diffusée chaque samedi à 13h sur Radio Anguin, 98 FM, chaque dimanche à 17h sur Radio Notre-Dame. Oui. Et je crois que c'est quelque chose d'important que Radio Notre-Dame accueille et participe à la diffusion de cette émission. Je trouve ça une bonne chose. Enfin, c'est fraternel. C'est un beau geste œcuménique et je dois dire que depuis que j'ai créé l'émission, l'intention était là, justement, que l'émission puisse un jour retrouver sa place dans ce conseil œcuménique de Radio Notre-Dame. Et surtout que c'est j'ai remarqué déjà que c'est un peu une définition aussi de la pratique œcuménique. C'est aider l'autre à être ce qu'il doit être, ou ce qu'il est appelé à être. Nous avions dans une paroisse que nous avons en province, un ami catholique très très très gentil, qui aimait beaucoup l'église russe, etc. Bon, qui était très attaché à son église catholique, très légitimement, mais il nous aidait beaucoup, et j'en parle au passé, parce qu'il est décédé maintenant. Et il allait jusqu'à ouvrir l'église, quand j'arrivais de région parisienne, et même une fois, il a fait le ménage. Ouais. Et c'était, je l'ai toujours cité un exemple, c'est vraiment quelqu'un qui est attaché à son église, mais il fait tout ce qu'il peut pour que nous, les orthodoxes, nous puissions vivre ce que nous avons à vivre. Et c'en est que plus, il y a quelque chose d'un peu tragique, là, parce qu'on ne peut pas aller jusqu'au partage. Il ne pouvait pas communier dans votre église. Il y a une limite, quoi, je veux dire. Oui. Et en même temps, on s'est cédé au maximum, et en même temps, on ne peut pas tout partager. Actuellement. Oui, c'est vrai. Mais enfin, on communie dans les petites choses. Il y a beaucoup d'amour qui passe dans ça. Le fait que Radio Notre-Dame nous pas seulement nous héberge, mais nous accueille, et je pense que pour nous, c'est vraiment une expression de l'amour chrétien. Voilà, aujourd'hui, on a tous participé à la célébration des rameaux dans nos églises respectives, et on a amené du buis. Voilà, Pierre a amené du buis de la cathédrale Notre-Dame. Alors ça, c'est du buis de Notre-Dame de Paris ce matin. Et ça, c'est du buis de la paroisse orthodoxe roumaine Sainte-Anne-Sainte-Geneviève. Presque identiques. À Paris, sont identiques, oui. Ici, Notre-Dame de Paris est quand même un peu différent. Il a des petits rameaux de vert très clairs. On voit qu'il est en train de pousser, celui-là. On voit qu'il y a une icône de la Trinité d'André Roubliov ici dans le studio. Et il y a toujours du buis. C'est le buis de la dernière fois changé. Ça va être celui qui va être mis là, oui, ça fait. Il n'y a pas une tradition de le brûler pour pouvoir faire les cendres de l'année prochaine. Enfin, je veux dire. En effet, les cendres que l'on imposera au mercredi des cendres viennent toujours des rameaux de l'année précédente. Mais peut-être que l'on pourrait ajouter que si aujourd'hui nous avons sur cette table des rameaux de buis, lorsque nous sommes en France, dans d'autres pays, on emploie plutôt des palmes. Des palmes de palmiers ou des rameaux d'olivier. Et ça me paraît très riche d'avoir les trois éléments. Comme ce matin, à la messe, à la source, nous avions la possibilité de prendre ou des palmes ou des rameaux d'olivier ou des rameaux de buis. Parce que la palme signifie la victoire. L'olivier est toujours symbole de la paix et le buis, au contraire, est symbole d'immortalité parce qu'il reste toujours vert. Et c'est très beau de retrouver dans la célébration des rameaux les trois symboles de victoire, de paix et d'immortalité. Ah oui, voilà, c'est intéressant aussi de rappeler, donc, comme je disais, en Roumanie, on appelle cette fête la fête fleurie, la fête des fleurs, ce qui rappelle le nom ancien français de Pâques fleurie pour la fête des rameaux. C'est pas uniquement en Roumanie, en France aussi. Et si on voit ça dans les textes de Jean-Jacques Rousseau, j'aime beaucoup Jean-Jacques Rousseau, et alors ça s'appelait Pâques fleurie. C'est ça ce que je disais, voilà. Ça s'utilise toujours un tout petit peu, Jean-Louis. Oui, Philippe. Et alors, je voudrais, Florin, pour votre fête, vous dire quelque chose que peut-être vous ne savez pas, c'est que la Floride aux États-Unis porte ce nom parce qu'elle a été découverte par des Espagnols le 17 mars 1513, qui, cette année-là, était le jour des Pâques fleuries. L'état de Floride. D'accord. Donc, bien sûr, pour ceux qui ont la chance d'habiter sur le bord de la Méditerranée, ils ont la possibilité d'utiliser des palmes. Mais dans d'autres pays, on trouve d'autres types de rameaux. En Roumanie, on utilise la saule, qui est aussi, on appelle le saule pleurant. Donc, c'est pleureur. Voilà, c'est une plante, c'est une arbre qui a cette double facette de la joie, mais aussi de la tristesse. Et ça donne peut-être aussi quelque chose de profond concernant la fête d'aujourd'hui, Père Marc-Antoine, la fête des rameaux. C'est une fête, comme vous l'avez dit, joyeuse, avec des fleurs, etc. Mais enfin, c'est une fête qui annonce la croix, quand même. Donc, il y a une dimension de deuil. C'est une fête blessée, quelque part. C'est une fête, c'est une fête blessée, une fête vulnérée. Et qui est derrière déjà pour la fête de la résurrection de Lazare, on a entendu l'évangile de selon Saint Jean où il est question des larmes du Christ. Donc cette souffrance en fait du Christ, elle est là et elle est là au cœur de la fête. Faut pas l'oublier quand même. Justement, on rappelle que ce dimanche a été précédé hier par le samedi de Saint-Lazare dans l'église orthodoxe où on a célébré le moment de grâce où le quatrième jour après sa mort, Lazare a été ressuscité par notre Seigneur Jésus-Christ et il a commencé une nouvelle vie. Je pense que chez vous, dans l'église catholique, ça a été célébré il y a quelques jours. Oui, merci. Moi, ce qui me frappe beaucoup. Ah oui, comment est-ce que vous faites? Alors, ce qui me frappe beaucoup, moi, c'est que, en entendant les évangiles de ces derniers jours, de fait, on a aussi lu l'évangile de Lazare. Il y a quand même des rapprochements entre nos deux cycles liturgiques. Non, mais je suis sûr que parmi nos auditeurs catholiques, il y en a qui sont étonnés de cela. Moi, j'en suis très heureux, hein, mais je veux dire, je ne savais pas que vous aussi, vous aviez l'évangile de Lazare il y a quelques jours. Alors, nous, on l'a eu sur plusieurs jours. Ah, hein. Comment est-ce que ça se passe chez vous, alors, mais... Dans le lectionnaire ou dans la liturgie catholique, on l'a en effet dans l'année A, la première année, où on a les trois évangiles essentiels de la préparation au baptême, qui sont... la guérison de l'aveugle, de l'aveugle-né, qui sont et la résurrection de Lazare. Donc, l'homme recouvre la vue et recouvre la vie. Et alors, on peut, chaque année, lire ces grands évangiles qui préparent au baptême, ou bien on peut lire d'autres évangiles. On lisait, dimanche dernier, dans l'année C, l'évangile de la femme adultère. Que le Christ ne condamne pas. Donc l'expression du pardon que Dieu accorde soit à l'enfant prodigue il y a 15 jours, soit à la femme adultère il y a 8 jours. Je voudrais revenir 30 secondes sur cet aspect de fête blessée que vous évoquiez. Parce que c'est vrai que, alors je ne sais pas si c'est comme ça chez vous aujourd'hui, mais dans notre liturgie catholique, il y a deux évangiles. Il y a donc l'évangile de l'entrée du Christ dans Jérusalem avec les palmes, etc. Mais il y a aussi la lecture de la Passion. On a entendu la lecture de la Passion. Et c'est vrai qu'il y a ces deux aspects, là. Je veux dire, on a entendu ce matin toute la force de la Passion avec la mort du Christ. Hein, je veux dire, on le quitte au tombeau. Hein. On a eu exactement les deux versants de la fête. Oui. Bon, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, Hosanna au fils de David, et puis ensuite on a le récit de la Passion. Et d'ailleurs le titre officiel que vous trouvez dans le missel romain, le titre de ce dimanche, c'est « Dimanche des palmes et de la Passion du Seigneur ». Donc on reconnaît, il y a historiquement deux origines différentes. Les palmes viennent bien sûr de Jérusalem même. Au IVe siècle, on veut célébrer l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et c'est plutôt en Occident que, dès le départ, on met l'accent sur la Passion. Et il y aura l'heureuse rencontre du triomphe d'un côté et de la Passion de Jésus d'autre côté. Voilà, vous avez lu aujourd'hui à la messe l'Évangile selon saint Luc, chapitre 22 pour les rameaux. En effet. Et nous avons lu dans l'Église orthodoxe l'Évangile selon saint Jean. Parce que l'Évangile selon saint Jean met davantage l'accent sur ce lien entre la résurrection de Lazare et l'entrée du Christ à Jérusalem. Donc, pour montrer justement, faire le lien avec la fête qu'on a eue hier. Oui, mais c'est justement dans l'Évangile qu'on a lu ce matin qu'apparaît la blessure, parce que c'est le début de la trahison, c'est le début du rejet aussi, hein, par exemple, beaucoup parmi les Judéens, après qu'il était là, mais les grands prêtres alors résolurent de tuer aussi Lazare. Donc le projet, disons, d'opposition et de rejet du Christ, qui est considéré comme un blasphémateur aussi, il faut comprendre aussi le milieu juif, le projet il est là et il va commencer dès maintenant. Enfin, c'est finalement la résurrection de Lazare qui a été, d'après l'évangile de saint Jean, qui a été le signal que on ne pouvait pas laisser dans le milieu juif, Jésus continue à vivre et à fonctionner comme il fonctionnait. Quoi. D'accord, avant de passer à la semaine sainte, à la semaine de la Passion du Christ, je vous invite à insister un peu davantage sur l'importance de la fête religieuse. Donc cette fête qui se passe en deux temps, qui commence à l'église le matin par la messe, par la divine liturgie, et qui continue justement autour de la table, à la maison, quand les fidèles rentrent. Je pense qu'on a aujourd'hui une bonne occasion de manifester ça concrètement, le fait que nous apportons ce buis de l'église à la maison et on le met dans un lieu d'honneur, n'est-ce pas, à côté des icônes, dans le coin de prière, ça veut dire qu'on amène aussi la fête à la maison. Donc, en France, on aime bien faire la fête, ça fait partie de la culture française. Mais c'est l'importance d'appuyer sur cette racine religieuse de la fête. Je crois que il y a des gens qui ne vont jamais à la messe pendant toute l'année et qui viennent à la messe dans nos églises catholiques le dimanche des rameaux. Hein. Je crois qu'avec les rameaux et la Toussaint, c'est quand même des fêtes qui, des gens, on a l'impression qu'il y a une culture très très très infime du christianisme, mais une pratique très très modeste, mais qui viennent ce jour-là. Je veux dire, je crois, les deux jours de l'année où il y a la plus grande affluence dans les églises. Pour la simple raison que finalement, c'est une célébration de la mort et de la résurrection. Parce que si on prend les rameaux, qui restent toujours verts, et pour aller ensuite les planter sur les tombes de la famille, c'est bien un hommage rendu aux défunts et l'affirmation de notre confiance, de notre espoir, de notre foi dans la résurrection. Et à la Toussaint et au 2 novembre, qui est la commémoration de tous les défunts, on a également une grande affluence dans les églises, parce que là encore, on célèbre, non pas la mort, mais l'espoir de la vie éternelle. Ma femme ce matin m'a dit on prend du buis pour un tel qui est prof de danse de ma fille, hein. Elle va jamais à la messe. Mais elle tient à ce qu'on lui apporte un petit brin de buis chaque année. Et c'est quand même curieux. Il y a comme ça des liens infimes qui se créent avec les églises par ce genre de geste de ce qu'on appelle là un peu la religion populaire. Enfin, je veux dire une. Père Marc-Anton, vous avez eu l'occasion de participer à des fêtes comme ça organisées par des orthodoxes en Roumanie, dans tout le pays de tradition orthodoxe, juste après la liturgie. Donc, comment vous avez ressenti ce lien qui existe entre la fête, disons, la célébration autour de la table et ce premier temps qui est la fête religieuse? Je crois que c'est quand même assez typique, disons, de la vie chrétienne, de donner l'importance à la liturgie après la liturgie. Ce prolongement de la vie liturgique dans la vie sociale, dans la vie familiale, dans la vie de la cité, qui est quand même un début de transfiguration du monde. Bon, ça, à une échelle peut-être minuscule, mais enfin, la famille est quand même le noyau où se métabolisent tous les éléments du monde. Et donc effectivement, le fait qu'il y ait une liturgie après la liturgie, c'est assez important. Aujourd'hui, justement, le dimanche des rameaux dans l'église orthodoxe, c'est un des dimanches où on a une alimentation particulière. Expliquez-nous. Voilà. Alors c'est qu'on mange du poisson. Et deux jours dans le carême, dans le grand carême, il y a deux jours où l'on consomme du poisson. C'est le jour de l'Annonciation, qui est le jour de la fête de l'Incarnation, donc une très très grande fête, le début de tout, hein, le commencement de notre salut, comme on le chante, et le jour des rameaux, qui est justement l'affirmation, comme dit le Trois-Pères, on dit affirmant la résurrection universelle, Bon, donc on affirme la résurrection, et donc on mange du poisson, parce que le poisson est l'aliment que le Christ a consommé après sa résurrection, quand il a appelé les apôtres qui étaient en train de pêcher ou se baigner, je sais pas ce qu'ils faisaient dans le lac, il leur dit hey, les enfants venez là et tout. Il avait préparé du poisson grillé, ce qui est super bon d'ailleurs, sur le bord de la plage. Donc ça c'est un exemple que j'aime beaucoup moi, de prolongement de la vie liturgique dans la vie même sociale et familiale. Et ça, on mange du poisson, mais il faut rappeler que pendant le carême orthodoxe, c'est un carême où l'alimentation est complètement végétarienne. Ah oui, ça, oui. Pour comprendre donc, l'intérêt de la remarque, il faut savoir qu'on ne mange rien d'animal du tout pendant tout le carême, donc pas ni même de poisson, oui. Donc, je vais seulement brièvement citer cet appel que la métropole orthodoxe roumaine a adressé au début du carême à tous les chrétiens pour qu'ils puissent faire le carême ensemble, vu la date commune des Pâques de cette année, et où il est dit... nous tournons toutefois notre attention vers le patrimoine des Saints-Pères et l'enseignement traditionnel concernant le jeûne quadragésimal, aussi bien en Occident qu'en Orient, car la tradition est une. L'Esprit-Saint a inspiré nos pères, dans la tradition orthodoxe vécue encore aujourd'hui, de renoncer à toute nourriture animale pendant cette sainte quarantaine, et davantage pendant la semaine sainte, bien sûr, ni viande liée au sang versé, à la violence, au meurtre, ni œufs ou laitage, nourriture du royaume vers lequel nous tendons, elles seront bénies au cours de la fête des Pâques, ni huile, ni vin, signe d'allégresse à retrouver après ce temps de deuil. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, on a un peu rompu le jeûne en mangeant du poisson. Oui, et de toute façon, le dimanche, le samedi et le dimanche, on rompt toujours un peu le jeûne en carême en prenant du vin et de l'huile. Mais donc, je crois que c'est la question de Florine, c'était ça, c'était comment ça se passe au prolongement dans la vie. Alors, ce que vous disiez, Père, c'est que d'aller dans les cimetières planter des rameaux de buis ou d'olivier ou des palmes, c'est aussi ça, c'est aussi le prolongement dans la vie. Oui, c'est oui. Très important que l'Église transfigure le monde. C'est ça la modernité. Voilà, c'est ça la modernité aussi du christianisme. Vous savez que le fait de manger du poisson, c'est une exhortation de plus que l'Église nous adresse de nous asseoir à la table tout de suite après la liturgie et de faire la fête, parce que on a envie de manger du poisson. Voilà. Oui, le christianisme, c'est une communauté. Donc c'est la vie de la communauté qui se prolonge dans la communauté de communautés que sont les familles. Pardon. Allez-y, oui. Alors, je voulais dire, tout à l'heure, vous avez dit que le buis béni ce matin, vous le mettiez chez vous à côté de l'icône. Du côté catholique, je crois que l'usage, au moins, est de rapporter le buis à la maison et de le mettre un peu partout dans la maison. On le mettra sur la porte, on le mettra dans les chambres, on le mettra dans la chambre à coucher, au-dessus du lit, et on le mettra, et à la campagne, on le mettra dans les étables, avec l'idée d'une protection, l'idée que ce buis assurera une protection. Et on allait aussi planter le buis au coin du champ, de façon à ce que le champ soit protégé contre la grêle, contre le gel, etc. Chers auditeurs, je pense qu'il faut, pour réfuter ce que disent certains de nos amis un peu hostiles à ça, qui nous disent « Ouais, c'est de la magie. » Et je crois qu'il faut comprendre qu'il y a des signes objectifs de la présence de Dieu et des signes objectifs de l'amour que Dieu manifeste à nous et au monde. Ces signes ont toujours besoin d'être sans doute d'être compris et d'être évangélisés. Parce que Il faut une catéchèse. Bien sûr. Chers auditeurs, je vous invite de nouveau de nous joindre à cette fête, de participer à notre entretien festif, à nous joindre au numéro de téléphone 01 56 56 44 45 Je répète, 01 56 56 44 45. Julia va répondre à vos appels. On va passer maintenant à la Semaine Sainte, à parler un petit peu de la Semaine Sainte. Mais avant, donc, nous venons d'entendre au début de l'émission la musique de fond, c'était un hymne de du dimanche des Rameaux dans la tradition orthodoxe roumaine, interprété par la chorale Madrigal de Bucarest. Et maintenant, je vous invite à écouter un chant grégorien interprété par des moines de France. C'est un chant qui est propre toujours au dimanche des Rameaux, mais qui concerne plutôt la semaine de la Passion. Chers auditeurs, nous venons d'entendre un chant grégorien qui s'appelle Collegerunt et qui est interprété par les moines de l'abbaye d'Ancalcat et qui nous parle justement des pontifes et des pharisiens qui se rassemblent disant « À quoi pensons-nous ? Voilà cet homme qui multiplie les miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. » Donc, on entre de plein pied dans la semaine de la Passion du Christ et je rappelle ici que pour l'Église orthodoxe, c'est une semaine où on passe le temps liturgique devient le temps réel. Donc, on va suivre au jour le jour tous les événements importants des derniers sept jours de la vie terrestre de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, Père Marc-Antoine, on va commencer avec lundi saint. Donc, on va dire depuis le début que chaque soir de la Semaine Sainte est célébrée la vigile du lendemain. Donc, la vigile de lundi est déjà célébrée dimanche soir. Donc, pour lundi saint, l'Église orthodoxe fait appel du figuier qui devient sec à la parole du Christ. Jamais plus, tu ne porteras du fruit. Mais aussi d'un événement de l'Ancien Testament, comme quoi l'Église veut montrer aussi les racines de l'Ancien Testament, de toutes ces traditions liturgiques chrétiennes. Il s'agit de l'épisode du beau Joseph, le noble Joseph, qui a résisté aux avances de la femme de Potiphar en Égypte. Et en même temps, le Christ annonce sa passion. Père Marc-Antoine, pourquoi choisir ces deux événements pour le lundi ? le figuier desséché, le figuier sec, et cet événement de l'Ancien Testament, Joseph en Égypte. Alors ça, c'était pas très facile comme sujet, parce que d'abord ce figuier, il est victime un peu d'une injustice, parce qu'enfin on lui reproche de ne pas donner de fruits alors que ce n'est pas la saison. Enfin, c'est pas très facile pour lui tout de même, pauvre figuier. Mais en fait, ça a été interprété, notre bon père bénédictin, enfin, quoi, connaît mieux ça que moi, donc enfin, je démarre un peu ça. Ça a été interprété comme une figure de la tradition ancienne et de la synagogue. Alors, j'aurais pas offensé nos amis juifs qui peut-être écoutent cette émission, mais donc la conception qui est exprimée là, c'est qu'il y a quelque chose qui est quand même stérile dans la loi, et cette stérilité doit être quand même dite, dénoncée, en quelque sorte, et c'est ce que fait le Christ, il dénonce la stérilité de la loi. Et alors, la porte, lui, la fécondité de l'esprit. C'est aussi ça l'œuvre du Christ, c'est ça l'action du Christ au sein du peuple juif, au sein de l'humanité. Donc c'est pour ça que le figuier, qui est un arbre aussi très intéressant, hein, faut y aurait beaucoup à dire sur le symbolisme des arbres, de cet arbre-là. C'est l'arbre sur lequel, je crois, était monté Zachée aussi. Enfin, c'est un arbre qui, on appelle ça figuier, mais je crois que c'est pas exactement la bonne traduction. C'est un arbre qui a comme caractéristique d'être imputrescible aussi. Bon, voilà, il s'agit pas de ça, il s'agit de sa stérilité, c'est ça qui est mis en valeur, disons, par cet évangile-là. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, Père, de ça? Parce que vous avez eu également la parabole du figuier desséché chez vous, là. Bon, nous avons eu, il y a quelques jours, en effet, la parabole du figuier desséché. Je suis tout à fait d'accord avec votre interprétation. C'est pas très gentil pour le pauvre figuier qui, en effet, n'avait pas donné des fruits en dehors de la saison. C'est symbolique. On ne sait pas si c'est historique, on sait que c'est symbolique. Mais je voudrais dire que vous me tendez la perche, c'est le cas de le dire. Parce que vous me donnez l'occasion de dire que pendant toute la Semaine Sainte, on se promène au milieu des bois, au milieu des arbres. Ce matin, nous avons les palmiers, nous avons les oliviers et nous avons les massifs de buis. Dans quelques jours, le vendredi soir, nous aurons l'agonie de Jésus au jardin des oliviers. Ensuite, nous aurons la crucifixion sur un bois, tiré d'un arbre. D'ailleurs, certains ont pensé que le même arbre avait donné le bois de la crèche et le bois de la croix. Et puis, dans la nuit pascale, dans la vigile pascale, nous aurons le cierge pascal érigé comme le mât d'un navire qui est tout lumineux et qui est une sorte de fût qui est dressé comme ça au milieu de la liturgie. Alors je trouve assez beau. Ce matin, nous avions en main un modeste rameau de buis ou une palme, c'était, je crois, votre cas. Et dans une semaine, nous aurons dans la nuit, chacun d'entre nous aura en main un petit cierge allumé au cierge pascal. Je pense qu'il y a là une présence des arbres, et donc une présence de la lumière de la promesse, de tout ce que peuvent représenter les arbres. Et est-ce que vous êtes d'accord avec nous que cet arbre, c'est aussi l'arbre du paradis? Est-ce que c'est relié à tous ces arbres du jardin et à l'arbre central, l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Quel lien est-ce que vous faites avec entre tout ça? C'est intéressant. Vous avez raison de remonter jusqu'au paradis et de rappeler que tout a commencé avec cet arbre du paradis. Nous disions, je crois, il y a 15 jours, que si Adam et Ève avaient été chassés du paradis, c'est parce qu'ils avaient eu la fâcheuse idée de manger du fruit de l'arbre défendu. Mais je pense là aussi que il y a des arbres tout au long de l'histoire du salut, et que pour nous aussi il y a des arbres. Mais peut-être qu'il y a d'autres sujets à aborder maintenant. Oui, on passe au Mardi Saint. La vigile évoque la parabole des 10 vierges et des noces de l'époux. Père Marc-Antoine, donc il s'agit d'une parabole très forte, et je pense qu'aussi un regard avec la parabole des talents. Je voudrais en profiter pour souligner la place du Saint-Esprit, en fait, dans cette semaine. La parabole des vierges sages ou pas sages, ou folles ou insensées, comme on dit, je cherche le mot qui soit pas trop offensant pour ces pauvres filles qui n'ont rien fait. Bon. C'est une parabole quand même qui s'applique essentiellement à la pneumatologie, comme on dit, à la théologie du Saint-Esprit, à la grâce du Saint-Esprit. Il semble quand même que l'histoire du figuier desséché, c'est un petit peu ça aussi. C'est une loi stérile, c'est-à-dire une loi qui est une bonne loi, la loi juive, forcément une bonne loi, parce qu'elle a été donnée par Dieu. Elle ne peut pas être mauvaise quand même. Bon. Mais c'est encore en dessous de la vie dans l'Esprit Saint. Et la parabole des Vierges, c'est une parabole qui se rapporte à l'acquisition du Saint-Esprit. De même, la trahison de Judas, c'est intéressant, parce que notre pauvre frère Judas, un apôtre, son problème, c'est quand il a voulu sortir de la situation dans laquelle il était mis, il s'est adressé à des personnes qui n'avaient pas justement la grâce du Saint-Esprit pour pardonner. Et donc je pense qu'il serait assez attentif à cela et voir que, bien sûr, il y a un aspect christologique, christocentrique, comme on dit, évident dans la passion, mais qu'il y a aussi une dimension pneumatologique, que les auditeurs nous pardonnent, c'est charabia, mais il y a la question du Saint-Esprit, elle est quand même là. Philippe, Père Philippe, vous venez parler du Saint-Esprit et vous avez mentionné Judas. Et là encore, vous me tendez la perche. Ce que je voudrais faire remarquer aux auditeurs, au moins aux auditeurs catholiques, que dans la messe de lundi saint, du mardi saint, du mercredi saint, il y aura un évangile où Judas est toujours présent. Cela m'a frappé depuis longtemps. Judas sera présent dans l'évangile de demain pour protester contre ce parfum qui était répandu et qui aurait pu être vendu pour les pauvres. Judas sera présent dans l'évangile de mardi quand Jésus dira « Mais l'un d'où va me trahir ?» Et Judas sera également présent dans l'évangile de mercredi à propos de la trahison. Et il y a, de quelque manière, en arrière-fond, dans la pensée de l'Église, et dans la pensée de Jésus, la présence de ce malheureux disciple, de ce malheureux apôtre qui va être amené à trahir Jésus. Je pense qu'il y a là une présence qui n'est pas involontaire. Je voudrais juste poser une question un peu sur l'équilibre général de la semaine. J'ai l'impression que vous, orthodoxe, vous avez commencé par le lundi saint, le mardi saint, tous ces jours-là sont importants, alors que j'ai l'impression que nous, catholiques, on fait quelque chose d'essentiel dans le triduum, le jeudi, vendredi, nuit pascale, et les jours auparavant sont peut-être moins privilégiés, hein, je parle pour le fidèle lambda, hein, je veux dire. Et comment ça se passe est-ce qu'il y a davantage une semaine entière dans l'Église orthodoxe Oui, parce que comme disait Bogdan Florine tout à l'heure, l'expérience de l'Église, c'est de vivre en temps réel les événements. Est-ce que je trouve assez extraordinaire. Et donc chaque jour, on dit et la semaine précédente, dès la semaine de Lazare, on disait lundi, le Christ est à Béthanie, il y a 2-3 jours, là maintenant Lazare va très bien, là il va mourir. Et donc chaque jour, on se rapproche de l'événement et on vit l'événement. Yes. Mais vous qui êtes prof, vous qui avez une activité, ou comme orthodoxe lambda, comment ils font? Comment vous faites, concrètement? On se débrouille en ayant des offices tôt le matin et le soir. Et dans la journée, c'est vrai qu'on n'arrive pas à avoir vraiment des offices. Quand même, beaucoup d'entre nous arrivent à rejoindre l'Église, à rejoindre la communauté vers 19h. Je sais que pour les mamans, c'est pas très commode. C'est l'heure du bain, c'est l'heure des devoirs. Ah, oui. C'est vrai que les femmes sont un peu pénalisées quand même par ces systèmes. Mais on s'arrange, il y a quand même des époux qui coopèrent intelligemment. Et donc, chacun garde les enfants à son tour. Et on arrive à participer à la vie de la communauté, à la communauté liturgique qu'est l'Église, et à vivre donc en temps réel, peut-être pas la semaine de Lazare, mais quand même la semaine sainte. Il y a des personnes, j'en ai vu ce matin, qui prennent des jours de congé, alors qu'il n'y en a pas là, parce que les vacances sont après, ils prennent des jours de congé pour participer à ça. Et ça, je crois que c'est très important. Il y a l'Église, c'est aussi, entre autres mystères, c'est le mystère de la sanctification du temps. Alors le temps, il est sanctifié dans tous ces registres. Souvent, dans ce registre, je dirais métatemporel, le temps absolu, le temps liturgique dont on pourrait parler si ça intéresse, mais aussi dans le temps chronologique. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Et en même temps, il faut vivre. Il faut gagner sa vie. Voilà, on va faire ses courses avant. On va au Monoprix en allant à l'église. Enfin, je fais pas de publicité. Je n'ai pas de publicité pour cette compagnie. Mais... Philippe Royard. Non, je vous suis reconnaissant, Père, parce qu'une fois de plus, vous me tendez la perche et je ne manque pas de la saisir. C'est une perche qui marche bien. Hein. Et je voudrais dire deux choses. La première, c'est que pendant longtemps, du côté catholique, on a eu les offices de la Semaine Sainte selon un horaire qui les rendait parfaitement inaccessibles aux fidèles. On célébrait presque tout dans la matinée, entre 9h et 11h, un moment où les gens travaillent. Et qu'heureusement, avec Vatican II, on a tout déplacé, on a remis au soir ce qui devait être au soir, et donc maintenant, à 18h30 ou à 19h, les fidèles peuvent participer. Et deuxièmement, vous avez parlé du temps, et de l'importance de la sanctification du temps. Et je voudrais dire simplement que, me semble-t-il, dans la liturgie du côté catholique, il y a une sorte de vénération du temps entre le jeudi et le samedi saint, entre le jeudi saint et le samedi saint. Et la preuve, le témoignage, le signe audible qu'on en a, c'est l'absence des cloches. On prétend que le jeudi saint, quand on chante le Gloria, la messe du jeudi saint, on sonne les cloches pendant le Gloria, et après les cloches vont rester muettes jusqu'au Gloria de la Vigile pascale. Les cloches sont parties à Rome, comme chacun sait. Elles sont parties, certains le prétendent, pour déjeuner avec le pape. Et elles vous rapporteront des œufs en chocolat. Pourquoi cette absence des cloches? Cette absence des cloches qui marquait un peu la division du temps dans des journées ordinaires. Parce qu'avec la passion de Jésus, nous quittons le temps humain pour entrer dans un autre temps qui est le temps de Dieu. Mmh. Jésus dit, mon heure est venue. Mon heure est venue. Et nous accompagnons Jésus dans ce temps qui n'est plus le temps des hommes et qui n'est plus rythmé par les signes habituels qui permettaient de marquer le temps. Merci de m'avoir tendu la perche. Voilà, avant d'arriver au jeudi saint, je veux dire encore deux, trois mots sur les jours qui passaient. Donc, pour ma dix saint, donc, j'ai parlé de deux paraboles, la parole des dix vierges des noces de l'époux et la parabole des talents, qui sont tous deux des paraboles à caractère eschatologique. Mm-hmm. Vous avez parlé du temps liturgique, du temps de cette semaine, mais c'est aussi un côté eschatologique dans cette préparation pour la Pâque. Ça veut dire eschatologique, on se prépare pour le deuxième avènement du Christ. Et je vais passer au mercredi saint. Pendant la vigile, on évoque la femme débauchée qui s'est repentie, qui a été pardonnée par le Christ, dont elle a lavé ses pieds avec des larmes. Par contraste avec Judas, le disciple qui a vendu en ce jour le Christ pour 30 argent. Cet événement, donc Judas a vendu le Christ le mercredi, c'est un événement historique, mais on a l'Église orthodoxe a préféré de rajouter, de mettre à côté, de mettre en regard cette image de la femme débauchée qui n'a pas son lieu du point de vue historique le mercredi saint. D'ailleurs, il y a eu une histoire avec une femme qui a versé du miron sur le Christ juste avant les rameaux, mais c'était pas la femme débauchée. C'est une histoire qui s'est passée beaucoup plus avant. Mais c'est pas par hasard que l'Église a voulu mettre ensemble ces deux exemples de la femme pécheresse qui devient sainte et de l'apôtre saint qui devient pécheur. Donc, Père Marc-Antoine, c'est une balance. C'est une balance, mais je crois que c'est lié aussi au rôle de chacun des disciples, des apôtres, des saints et des pécheurs dans l'économie générale de la passion. En fait, Judas, j'avoue, j'ai une tendresse particulière pour Judas. Je ne sais pas, j'aime beaucoup cette personne. Bon, je pense qu'il y a quelque chose qui est inscrit dans les cieux pour Judas et que nous ne connaissons pas. Mais Judas est la personne indispensable. C'est comme la personne indispensable dans le salut, dans la passion. C'est quand le Christ lui dit « Fais ce que tu as à faire », il lui donne la bénédiction pour agir, parce que Judas est l'agent, enfin un des agents principaux quand même de la passion. Donc ça, c'est très important. Et la femme qui vient manifester son amour aussi, c'est également une femme qui a sa fonction dans l'économie du salut. Je crois qu'il faut valoriser ça. Chacun des personnages, on a les noms, on n'a pas toujours les noms, joue un rôle dans une espèce de c'est pas du théâtre, je n'aurais pas le mot, je n'aurais pas l'emploi au sens péjoratif, mais il y a une espèce de, il y a quelque chose de dramatique quand même au sens technique presque, disons, et dans cette dramaturgie sacrée, cette théodramaturgie, je sais pas, il y a des personnages qui ont tous un rôle extrêmement important. Alors je voudrais revenir en ce qui concerne cette femme dont on parle ici, comme les femmes les femmes, les vierges sages ou folles, elle est liée aussi au mystère du Saint-Esprit. C'est assez important. La dimension pneumatologique du carême et de la semaine sainte, elle est beaucoup, en l'occurrence, elle est quand même témoignée par les personnages féminins. Et par les personnages féminins liés au mystère de l'huile. Regardez comme l'huile est liée aux veilleuses qu'allument ou qu'on n'allume pas les vierges sages. Regardez comme l'huile qui porte le parfum est liée également, et comment cette huile, c'est l'huile de la miséricorde, mais c'est l'huile de la grâce. Donc je crois qu'il y a vraiment une présence, je suis très sensible à ça, au signe de la présence de la grâce du Saint-Esprit, particulièrement au signe de l'huile pendant toute cette semaine. C'est aussi la semaine, peut-être on le fait à la Haute Église aussi, je ne sais pas. C'est la semaine où on pratique l'onction des malades, on bénit l'huile de Saint-Office qui est extraordinaire. Vous avez, je crois, une messe chrismale là aussi. La messe chrismale, oui. Vous êtes vraiment très gentiment et très gentil et très fidèle à votre comportement. Vous me tendez la perche une fois de plus parce qu'en effet, nous avons au cours de la semaine sainte la bénédiction de toutes les huiles qui serviront pour les sacrements. Il est prévu de façon normale que cette bénédiction des huiles ait lieu au cours de la messe chrismale, célébrée par l'évêque, uniquement par l'évêque, dans la matinée du Jeudi Saint. En fait, dans beaucoup de diocèses, ça n'a pas lieu le matin du Jeudi Saint parce que les prêtres qui sont invités à participer à cette messe ne sont pas libres le Jeudi Saint, ils ont d'autres occupations pastorales. Et je vois par exemple que à Notre-Dame de Paris, cette messe chrismale sera célébrée par l'archevêque de Paris, Monseigneur 23, mercredi de cette semaine à 18h30. Et comme ça, beaucoup de prêtres et de fidèles pourront être présents. Voilà une fête qui a été redécouverte par les catholiques. C'est complètement redécouverte. Ça me paraît très important parce que vont être bénites l'huile pour le baptême, l'huile pour les malades, également le Saint-Crème qui sert pour les ordinations et pour le baptême également. Et c'est beau parce que ça met tout de suite un lien entre ces huiles et le mystère pascal. Ces huiles, on va les employer toute l'année pour les baptêmes, pour l'onction des malades. Mais il y aura toujours cette relation à Pâques, à la résurrection du Christ, et d'autre part une relation à l'Église à travers l'évêque. Puisque ce n'est pas n'importe quel prêtre qui, en principe, aura béni ses huiles, mais c'est l'évêque lui-même. Donc, une relation avec la communauté ecclésiale. Alors, je reprends la perche, si vous voulez bien. Retour de la perche, pour souligner cet aspect ecclésial ou ecclésiologique des bénédictions. Dans notre Église orthodoxe, le Saint-Crème est consacré, bon, suivant les églises, tous les 3 ans ou tous les 10 ans, mais il est consacré par l'ensemble du collège épiscopal de chaque église souveraine. Par exemple, dans notre église roumaine, tous les évêques du Saint-Synode de l'église roumaine se réunissent autour du patriarche, pas autour du Christ, mais avec le patriarche, dans l'église cathédrale de Bucarest, et au cours d'une cérémonie qui est principalement celle du collège épiscopal, consacre cette huile. Donc c'est vrai que ça a une signification. Pendant la semaine sainte. Oui, le jeudi, oui. D'accord. Donc c'est une signification, c'est une réalité, c'est un contenu ecclésiologique qui correspond à ce que vous dites là. Très impressionnant. Et cette huile, elle est après ça répartie par les évêques chez les prêtres, aux fidèles. Donc c'est aussi la réalité, disons, de l'unité de l'Église dans cette huile qui est à nouveau, j'insiste, un signe de l'esprit. L'huile est toujours un signe pneumatologique. Voilà, on arrive au cœur de la Semaine Sainte, la crucifixion, l'enterrement du Christ. Je vous invite, chers auditeurs, à écouter maintenant un hymne liturgique de l'Église orthodoxe, chanté selon la tradition liturgique russe, mais en français, qui est spécifique au Samedi Saint, donc à l'office de l'enterrement du Christ. Voilà, chers auditeurs, on est ensemble dans le studio avec Père Marc-Antoine Costat de Beauregard, Père Philippe Rouillard, Pierre Moracchini. Donc, on va continuer à parler de la Semaine Sainte et on va passer à la fête de Pâques aussi. Donc, je vais dire seulement deux, trois mots sur chaque de ces derniers jours de la Semaine Sainte. Et si vous voulez rajouter quelque chose, bien sûr, vous allez le faire. Donc, jeudi sainte. C'est la vigile évoque la dernière scène du Christ, bien sûr, avec ses apôtres. Il y a le matin la divine liturgie de la scène mystique. On passe au vendredi saint, vigile des 12 évangiles. Sont 12 textes évangéliques à travers lesquels on évoque la passion du Christ. À partir de la dernière scène et jusqu'à sa mise au tombeau, il y a le lavement des pieds dans certaines églises orthodoxes locales, comme le patriarcat de Jérusalem, monastère de Patmos, autre monastère. J'ai participé à la cathédrale Notre-Dame les années dernières, quand l'archevêque de Paris a fait ce rite. Donc ça existe bien sûr dans l'église catholique aussi. Vénération de la croix, grandeur nature, qui est portée par le célébrant sur l'épaule en procession du sanctuaire et plantée au milieu de l'église le jeudi soir. Et là, je veux rappeler aux auditeurs qu'à la cathédrale Notre-Dame, comme chaque année, le vendredi saint, il y aura la couronne d'épines du Christ, la plus précieuse relique de France, avec un morceau du bois de la Sainte Croix et un clou de la Passion, qui seront là pour la vénération des fidèles à partir de 10h jusqu'à 5h du soir. Voilà, vous êtes tous invités à participer à cet office de vénération œcuménique, en effet. Il y a un bref office de la mise au tombeau. La croix est remplacée par l'épitaphion, qui, comme on appelle la toile sur laquelle est imprimée l'icône de la mise au tombeau du Christ. Et on arrive au samedi saint, vigile de la mise au tombeau du Christ. On a entendu une hymne liturgique, justement, qui fait partie de cette vigile. On évoque la mise au tombeau par une procession avec l'épitaphion autour de l'église. Et le matin, le samedi matin, c'est la dernière divine liturgie de Saint Basile le Grand. Voilà. Alors que nous, il n'y a aucun office du tout le samedi. Il n'y a pas d'office le samedi, en effet. Il n'y a pas d'office du tout le samedi. Non, c'est une journée de silence, de repos et d'attente. Mais je pense que vous avez raison. L'office que nous avons à la liturgie de Saint-Basile est un office normalement du samedi soir, qui a été reporté pour des raisons pratiques, mais normalement le samedi est un samedi de grand silence. Hein, c'est d'ailleurs, on est bien vraiment d'accord là-dessus, c'est le grand repos du Verbe. Et ce samedi matin, là, vous chantez des Alléluia ou pas? Comment? Vous chantez des Alléluia déjà ou pas? Oui, les deux Alléluia, on le chante pendant tout le carême. Cette liturgie qui est célébrée le samedi, c'est la liturgie baptismale, en fait, qu'il y a dans la tradition latine. C'est très très ancien, ce sont des rites qui remontent à Jérusalem. Très probablement. Donc c'est la messe baptismale, la messe au cours de laquelle on bénit l'eau, etc. Cette messe-là, cette liturgie-là, selon Saint Basile chez nous, elle finit par être anticipée, on la célèbre à midi ou le matin, mais pour des raisons pratiques. En réalité, les orthodoxes, on devrait suivre la tradition mieux que ça, et ne rien célébrer du tout de tout le samedi, et célébrer cette liturgie de Saint Basile le soir, puisque ça commence par des vêpres d'ailleurs. Donc des vêpres à 9h du matin, ça fait bizarre quand même. Alors le samedi saint était la dernière étape de la montée spirituelle des fidèles vers la résurrection, accomplie par le grand carême et la semaine de la Passion. En cette journée de sabbat, Dieu s'étant reposé après les 6 jours de la création, notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu homme, a reposé corporellement dans le tombeau, alors qu'avec son âme, il est descendu aux enfers pour libérer Adam et les justes qui s'y trouvaient captifs. Et justement, on sait bien que dans l'Église orthodoxe, l'icône de la résurrection est l'icône de la descente du Christ aux enfers. Personne n'a pas vu le moment quand le Christ est sorti du tombeau. Et c'est cette icône, justement, qui est pleine de sens, de signification. À minuit commence la veillée pascale, la vigile de la résurrection, suivie par la divine liturgie jusqu'au petit matin. Donc, c'est très important dans l'Église orthodoxe, Père Marc-Antoine, cette veillée pascale. Donc, on invite les auditeurs qui ont envie de découvrir ça. Je pense que là aussi, ce sont des éléments qui sont vraiment communs. Je crois pas qu'il y ait vraiment de différence entre la tradition gréco-slave et la tradition latine. Il s'agit de vivre en temps réel la célébration à la première heure du jour de la résurrection, en fait. C'est au petit matin, au début du troisième jour, on va célébrer la Pâque comme l'émirophore. Voilà, comme une réponse à l'invitation de la métropole roumaine de faire le carême ensemble, voilà, il y a une invitation cette fois-ci de la part des catholiques adressée à tous les chrétiens. C'est Monseigneur Daucourt, évêque de Nanterre, avec des évêques orthodoxes, avec des pasteurs protestants, qui adressent cette invitation au rassemblement dimanche à 7h30, dimanche de Pâques, 7h30, rassemblement des chrétiens, place de la Défense, proclamation de la résurrection du Christ en plusieurs langues. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Je remercie à tous nos auditeurs pour leur attention. Je remercie mes invités, nos invités, Père Philippe Rouillard, Père Marc-Antoine Costa de Borrega. Je remercie Pierre Morachini pour la participation. Je remercie Soran qui nous a aidé à la réalisation et Julia Vidovic qui a été au standard. Le réalisateur de cette émission, Bogdan Florin Vlaicu, vous souhaite une semaine emplie de joie spirituelle et vous souhaite une très bonne fête de Pâques. Alléluia. Les chrétiens de France au service des chrétiens d'Orient par Monseigneur Philippe Brizard, directeur général de l'œuvre d'Orient. L'œuvre d'Orient organise chaque année un pèlerinage en Terre Sainte. 53 pèlerins partent donc passer la Semaine Sainte sous la houlette du directeur général. Comme tous les pèlerinages, ce sera une démarche de conversion et une sorte de retraite itinérante sur les lieux de la révélation, dans les paysages de la prédication de Jésus, là où il subit sa passion, sa mort, et où il ressuscita, là où est née l'Église avec la prédication apostolique. Même si vous n'êtes jamais allé en Terre Sainte, vous vous doutez bien de la force de cette démarche où la Bible parle sur le terrain. Nous voulons faire de ce pèlerinage une démarche